On était bon ensemble. Jusqu'alors je me demande qu'est-ce qui nous a séparés. C'est vrai qu'on ressemble. Mais tu es parti sans m'avoir tout expliqué. Oh, c'est toi, c'est moi qui avais tort. Quand plutôt dans ton cœur tu me souhaitais la mort. J'ai essayé de comprendre ce que je t'ai fait. Impossible de comprendre tellement ce que tu m'as fait. Me fait toujours mal. Est-ce que vraiment je le mérite, moi qui n'a jamais connu Gouna? Aujourd'hui je suis devenu son voisin. Depuis je fais que regarder le miroir, en me demandant si c'est vraiment à moi que tu as fait ça. Bébé au comici, Fimia, Jackina, Vina, Anga, réalité, Apona, Nini. Aujourd'hui si moi t'es manangue kota, comme remède, bébé au Pessi. Enga imaï a pili pili la mela. Et sa fille, et kotika la vie. Attention yo vilanga ya kotika la vie. Ah, bolingo na nona ki na pasi. Mo paya picoli a tiki na ina pasi. Et sa fille, et kotika la vie. Attention yo vilanga ya kotika la vie. Ah, bolingo na nona ki na pasi. Mo paya picoli a tiki na ina pasi. Des fois je me dis que c'est peut-être le karma. L'isumona sans la canne. Et l'oyomoto comme il confouti sa yanga yango. Sauté na yeba. Mais ça peut l'ikambote. Fia moto lobi peto yebite. Chéri obé tinga iku yamakasi. Et comme il kotanga tina pongi. Mais jamais na komé la biloko yamakasi. Mais na nyongi. Je pensais que t'allais être la mère des mots. Mais t'avoir comme épouse allait être la meilleure des choses. Ope singa ybolingo neti courant ya fiadou. Na weli sina proche mon tema et panaya. Et à la dernière minute, on a dit tout. Na sala kisini, boyo zonga. So qui m'a fait na sala yo. Loba kasi na toupe la. Je suis condamné à t'aimer. Malgré oyo salingaï. Mais je suis prêt à te pardonner. Loba sili loba moko pomo zonga. Je sais pas ce que je t'ai fait. Mais t'as décidé de partir comme si tout ce qu'on a vécu ensemble n'était pas réel. Je blâme ma tête, tu t'aisses. J'aurais dû écouter ma conscience. Mais au lieu de ça, j'ai suivi mon cœur. Et aujourd'hui, voilà comment je souffre. Je te laisse une chance de revenir. Je suis prêt à faire table rase. Mais it's ok, ok. Kende libe la maman. Ateka number one. Toda tipo, mon ami propre. Prevel malungu, vien anda ya palé. Iti sou prêt voir la loyauté. Prince son gagnant sa majesté. C'est seigneur à tipo, petit frère, propre. Naouma tipo, peintre, pro. C'était Danny sur l'instru. Ateka number one toujours. Et sa vie, et kotika la vie. Attention yo vilanga ya kotika la vie. Ah, bolingo na lona ki na pasi. Mo paya plikoli ya tiki nga ina pasi. Et sa vie, kotika la vie. Attention yo vinanga ya kotika la vie. Bolingo na lona ki na pasi. Mopaya ya bikoli ati dinga ina pasi. Naouma tipo, peintre, pro. C'était Danny sur la scène. Ateka number one toujours. On était dans la one toujours. Pour un petit peu, pour un ami propre, pour un ami propre. Révèle ma lungu, vieux Nangaya palais. Et tu soubrettes fort la loyauté. Prends son gagner sa majesté. Junior Atipo, petit frère propre. Naouma Tipo, peintre pro. C'était Danny sur l'astru. ATK number one toujours.